En 1996, les sportifs du monde entier se rassemblent pour les Jeux d'Atlanta. Richard Jewell, un agent de sécurité sur place, y découvre un sac à dos contenant une bombe et fait évacuer les lieux. Éloignez-vous de la tour ! D'abord salué pour sa réactivité, Richard Jewell devient très vite un suspect. On s'intéresse toujours à celui qui a trouvé la bombe. L'édifiante histoire vraie d'un héros devenu l'ennemi public numéro 1. Il n'y a pas plus coupable que votre client. Mon fils est un héros ! Le cas Richard Jewell, un film de Clint Eastwood, le 19 février au cinéma. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Pour connaître la définition d'un mot, il faut regarder dans le dictionnaire. Tenez, jetons un œil au mot « police ». Dans le trésor de la langue française, le dictionnaire de l'Université de Lorraine et du CNRS, « police », organisation politique et administrative d'une société, d'un État. Tiens, on y apprend aussi, c'est évident, dans l'étymologie de police, il y a la police, la cité grecque antique. C'est l'administration qui veille au bon ordre de la cité. Alors, sinon, comme dictionnaire, il y a celui des idées reçues. Oui, le dictionnaire des idées reçues ou catalogue des opinions chic de Gustave Flaubert, un ouvrage inachevé. Ah, le dictionnaire des idées reçues de Flaubert est publié par Louis Connard. C'est de manière posthume, évidemment, en 1913. Alors, qui a mis Flaubert ? Tiens, ah ben oui, il y a des aphorismes imbéciles. L'épicerie est respectable, c'est une branche du commerce. L'armée est plus respectable encore parce qu'elle est une institution dont le but est l'ordre. L'épicerie est utile, l'armée est nécessaire. Ça, c'est une citation relevée par Flaubert, une citation de Jules Noirac. Mais dans son dictionnaire, que met Flaubert ? Ah, la définition du mot gendarme, rempart de la société. Allons voir la définition du mot mouchard, tous de la police, dit Flaubert. Quant à la définition du mot police, dans le dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert, police, deux points, a toujours tort. Gustave Flaubert est mort en 1880. Il a connu la police à papa, la police de Vidocq. Il a assisté à la naissance de la police que nous connaissons aujourd'hui. Oui, comment la police est-elle devenue républicaine ? Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons au lien étroit qui unit la population à sa police, le peuple et sa police. Je t'aime moins non plus. Hier, nous avons parlé de la police au XVIIIe siècle, la police des Lumières, une émission que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet lecoursdelhistoire.franceculture.fr ou bien en balado-diffusion, le podcast. Puis vous pouvez commenter ces émissions sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, comment la police est-elle devenue républicaine après l'effondrement de l'Empire de Napoléon III, le 4 septembre 1870, la République est proclamée et elle doit se doter d'une police acceptée par la population. Nous allons en parler avec vous, Anne Stenner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Paris-Ouest Nanterre. Vous êtes l'auteur notamment du Temps des révoltes, une histoire en carte postale des luttes sociales à la Belle Époque. Étonnant d'ailleurs, hein, les luttes sociales étaient mises sur carte postale. Absolument, oui, oui. Et par des entreprises commerciales. Ce ne sont pas des cartes postales militantes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elles étaient vendues, etc. Une manière de voir l'événement par la carte postale. Vous êtes également l'auteur du Goût de l'émeute, manifestations et violences dans Paris et sa banlieue à la Belle Époque. C'est aux éditions L'Échappée, ces deux ouvrages. Là aussi, hein, toute une littérature parce que ce monde des bas-fonds, comme on a dit, celui des Apaches, a produit énormément d'écrits, énormément de littérature que l'historien, l'historienne ou la sociologue doit étudier. Aujourd'hui, nous allons également parler de cette police de la République avec vous, René Lévy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur de la revue Crime, Histoire et Société et l'auteur avec Jean-Marc Berlière de l'histoire des polices en France, de l'ancien régime à nos jours. L'histoire de la police est devenu un objet historique en tant que tel, mais il est essentiel pour comprendre une société. Comprendre la police, c'est comprendre la société qui la produit. Oui, absolument. La police a longtemps été une sorte de mauvais objet de la recherche, hein, que ce soit d'ailleurs en sociologie ou en police, en histoire. Les sociologues s'y sont attaqués les premiers au début des années 80, fin des années 70, suivis par les historiens, et c'est devenu progressivement, au cours des années 90 et surtout 2000, je crois, un grand champ de recherche historiographique. Maintenant. Voilà, et détaché des polémiques, parce que souvent les écrits sur la politique ça reste encore René Lévy. Écoutez, pour le moment, je vous propose de lire un journal, pas n'importe quel journal, un journal intitulé La République française. C'est le journal de Gambetta, le numéro du 26 janvier 1879, quand Gambetta parle de la police, une lecture dans le cours de l'histoire par Olivier Martineau. La police de la République doit désormais s'inspirer, comme tous les services publics, du seul intérêt de la justice. La police, dans de telles conditions, ne sera ni moins honnête ni moins respectable que toute autre grande administration. Elle n'aura ni blouse blanche, ni faiseur de bombes. Il y a là, comme partout ailleurs, un héritage ignoble que nous ne saurions accepter pour le nouveau régime, l'héritage du système impérial, ce régime détestable qui vivait par la police. Le chef de la police républicaine lui assurera une considération plus solide et plus réelle en inspirant à son personnel le plus scrupuleux respect de la légalité. Olivier Martineau qui disait un article du journal La République française du 26 janvier 1879, un article de Gambetta, figure majeure de la Troisième République mise en place quelques années plus tôt. La Troisième République est l'héritière de la police d'avant, de celle du Second Empire. C'est-à-dire que le régime change, les personnes qui travaillent, les hommes restent les mêmes. Et puis, j'ai envie de dire que les pratiques aussi ne peuvent pas changer aussi vite. Quelle est cette police dont hérite la République, René Lévy ? Alors, la République hérite de la police de l'Empire, hein, très fortement inspirée, enfin du Second Empire, fortement inspirée du Premier, où... on a essayé de rationaliser l'organisation policière, mais où évidemment elle est aussi au service du régime et marquée par effectivement la lutte contre les opposants, en particulier les républicains. Oui, c'est ce problème, hein, toujours. Hein. La police qui est là pour arrêter les voleurs ne pose jamais de soucis, sinon aux voleurs. La police qui est là pour faire de la politique pose un véritable problème. Oui, et donc les républicains viennent au pouvoir avec des idées relativement simples, hein, en matière policière, c'est-à-dire c'est le retour, évidemment l'abolition de cette police... attentatoire aux libertés, la défense des droits de l'homme et aussi le retour au principe de 1789, disons à la période donc pré-napoléonienne de la Révolution, avec l'idée que, comme on vient de l'entendre, la police doit respecter strictement la légalité, ne doit pas se livrer à des provocations politique, et sur un plan plus large, que la police est une fonction principalement municipale, hein, et décentralisée. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est vrai de dire déjà que les principes de 1789 sont à la base de notre police. La sécurité est un des droits de l'homme. Et puis au 19e siècle, il n'y a pas la police nationale telle que nous l'entendons aujourd'hui. Elle arrive beaucoup plus tardivement, au 20e siècle. C'est une police très municipale, avec le cas particulier de Paris. Mais ce sont les maires, René Lévy, qui sont en charge de la police dans leur commune. Alors effectivement, la police de cette époque est très différente de celle que nous connaissons. Nous avons, grosso modo, si on prend police un sens large, mais... qui est validé par les textes de loi, on a trois grandes institutions nationales, hein, qui sont la police nationale, la gendarmerie nationale et la douane. qui toutes concourent à la sécurité publique, hein, selon les textes. Aujourd'hui même, la gendarmerie et la police nationale se retrouvent sous une même tutelle ministérielle, ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'est le cas que depuis une dizaine d'années. À l'époque dont nous parlons, la police est très différente. Alors aujourd'hui, nous avons aussi des polices municipales, mais qui représentent pas plus de, en effectif, à peu près 10% des communes et 10% des effectifs globaux de police, autour de 20 000 agents. Hein. À l'époque, c'est tout à fait différent, puisque l'essentiel des forces de police est communal. Ce sont des forces de police. Alors, dans les villes, les polices urbaines sont des polices municipales. Voilà. Paris a un caractère particulier puisque la police y est placée sous l'autorité d'un préfet de police, mais le seul fonctionnaire d'État de la police parisienne, c'est le préfet de police. Tous les autres agents, commissaires, officiers, etc., sont des agents municipaux et c'est la ville qui finance sa police. À côté de ça, nous avons la gendarmerie dans les campagnes, essentiellement, et puis, un embryon de police nationale au niveau du ministère de l'Intérieur, qui est la Sûreté Générale, qui, pendant longtemps, en tout cas pour toute la période jusqu'au moins en 1907, disons, avec la création d'une police judiciaire centrale, on peut dire, est d'abord une police politique, essentiellement. Alors, police politique avec la Sûreté Générale, Sûreté Nationale, mais au moment de l'émeute que vous avez beaucoup étudié à Einsteiner, il n'y a pas, en fait, comme on l'imagine aujourd'hui, des CRS, tout cela n'existe pas. Pour répondre à l'émeute, c'est la troupe qui est envoyée, ce sont des militaires. Exactement, alors il y a la police, la garde républicaine à Paris, mais quand les manifestations sont de grande ampleur ou deviennent très violentes, eh bien on envoie aussi la troupe. Et de même en province, où on fait intervenir la gendarmerie, et puis très vite la troupe quand il y a des grèves qui très souvent prennent un tour émeutier avec le temps. D'ailleurs, on le voit très bien hein, sur les cartes postales que vous avez étudiées dans le temps des révoltes, donc toutes ces cartes postales qui montrent les luttes sociales de la Belle Époque, on voit très facilement en fait le piou-piou, le soldat, le fantassin, le bidas, qui est là, on est en état de siège presque. Mais ce sont des appelés, oui, ça donne une ambiance d'occupation des territoires, véritablement. Si je pense à Méru, dans l'Oise, où il y a eu une grande grève des boutonniers, ce qui fabriquait les boutons de nacre. On a 10 000 ouvriers et ouvrières en grève, 6 000 hommes de troupes, et on ferme les écoles parce qu'on fait dormir les soldats dans les écoles sur lesquelles on a jeté des bottes de foin, etc. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de cartes postales avec les enfants qui rôdent autour de la troupe. Ils manifestent avec leurs parents et puis ils sont très attirés par les soldats, les chevaux, etc. René Lévy, le moment de l'émeute, le moment de la manifestation est très particulier, bien sûr. Sur cette police du quotidien, il y a une volonté de la République de faire bien voir ses forces de l'ordre à la population. C'est essentiel pour le pouvoir républicain que la police soit acceptée. Alors, la question se pose différemment d'aujourd'hui, puisque comme je l'ai dit, les forces de l'ordre du quotidien, en quelque sorte les gardiens de la paix, ne relèvent pas de l'État central. Donc l'État central, elle relève des communes, des maires. Dans les polices urbaines, vous avez une situation où donc les communes de plus de 5000 habitants sont tenues d'appointer un commissaire de police, et ce commissaire de police est nommé par le ministère de l'Intérieur. Et sa carrière dépend du ministère de l'Intérieur. Enfin, et son allégeance est donc de ce côté-là, du côté du préfet. Mais il est pris entre le préfet et le maire. C'est le maire qui détermine tous les moyens de la police locale. Donc vous avez des communes, des petites communes. La situation peut être différente dans des villes d'une certaine importance. Mais vous avez des communes où le maire, la commune se fait tirer l'oreille pour financer le traitement du commissaire de police et ne lui concède rien d'autre. C'est-à-dire que vous allez avoir un commissaire de police qui va travailler dans des communes de la Seine-et-Oise, par exemple, que j'ai davantage étudié. Il va travailler depuis chez lui. Il va n'avoir aucun moyen de on va rien lui fournir en termes de fourniture, de moyens de travail, de locaux, de moyens de transport. On va même pas lui fournir des collaborateurs, en quelque sorte. Et ceux-ci sont de toute façon lorsqu'il y en a, ils sont recrutés par la commune, par le maire, et ils ont souvent des tâches au service du maire, et parfois plus au service du maire qu'au service du commissaire de police. Et en tout cas, il a très peu d'autorité sur eux, puisque eux, leur carrière dépend entièrement du maire. Donc lorsque la commune est une commune, surtout après les lois communales municipales de 1882-1884, lorsque les maires sont élus, on a des municipalités qui sont d'opposition, et de plus en plus en région parisienne, par exemple, des municipalités de gauche, qui ne sont pas du tout favorables à la présence d'un commissaire de police qui voit comme un espion du pouvoir central. Donc il y a une tension qui peut être très forte, parfois pas, mais et ça varie dans le temps, mais très forte entre le commissaire de police et la municipalité. Alors dans les toutes petites communes, là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein, c'est le cantonnier qui fait la police. Là où il y a un commissaire de police, donc dans les villes d'importance, nous sentons ce que vous nous expliquez, René Lévy, ce tiraillement entre l'obéissance à la hiérarchie administrative, c'est-à-dire le préfet, donc le ministère de l'Intérieur, et puis la municipalité. Mais dans cette construction-là, il y a toute cette volonté républicaine qui se confronte à la réalité de l'action de la police. Nous sommes à un moment où la police se transforme par ses méthodes. Nous allons partir dans le temps. Nous allons en 1951, au moment où, bah oui, c'est loin, mais vous allez voir pourquoi. C'est un retour en arrière dans les actualités françaises. En février 1951, deux personnages sont évoqués qui nous ramènent à la belle époque. C'est Edmond Locard et Alphonse Bertillon. À Lyon, le professeur Edmond Locard vient de prendre sa retraite après plus de 40 années de lutte quotidienne contre les criminels. Fervent disciple de Bertillon, le professeur Locard contribua grandement à développer ses théories sur l'emploi pratique des empreintes digitales. Ses succès furent innombrables et les vedettes du crime, dont son musée conserve les tragiques souvenirs, se sont inscrites au long d'un palmarès étonnant qui réunit les noms les plus célèbres. La carrière du professeur Locard restera attachée à cette science extraordinaire et trop utile, hélas, la criminologie. En février 1951, Edmond Locard prend sa retraite. Le spécialiste de la criminologie, c'est la police scientifique en fait. C'est le cas aussi avec un autre personnage de renom, Alphonse Bertillon, qui répond à cette question terrible. Comment reconnaître le suspect? Oui, la photographie est déjà existante et déjà répandue, on peut le dire. Mais enfin, c'est difficile de savoir à quoi ressemble un suspect. Alors lui, il mesure de tous les côtés. La police change énormément à cette période-là. René Lévy, c'est une police qui est différente. Il y a une volonté, on va dire, de professionnaliser le métier. Oui, alors c'est surtout propre à la police parisienne, hein, où le préfet de l'époque de Bertillon, le préfet Lépine, avait à cœur effectivement de professionnaliser davantage. Et d'ailleurs, pour répondre à votre précédente question, de faire aimer sa police par les Parisiens. Hein, il n'a pas ménagé sa peine pour ça, c'était un homme de relations publiques, et il a fait beaucoup pour essayer de populariser d'améliorer l'image de la police, que ce soit dans le domaine du maintien de l'ordre ou dans le domaine de la sécurité publique. Alors Bertillon, effectivement, est un personnage important. Il a mis au point non pas les empreintes digitales, hein, qui avaient déjà été inventées, mais il a mis au point d'autres techniques qui ont d'ailleurs été, comme les mesures anthropométriques, hein, la description anthropométrique par toute une série de mesures du visage. Mais d'ailleurs, ces techniques-là ont été supplantées ensuite par les empreintes digitales dont l'invention ou dont la conception remonte est en fait d'origine coloniale britannique en Inde. Enfin, il y a plusieurs Il y a plusieurs courants simultanés, disons, qui se rejoignent dans cette, de différents pays qui se rejoignent dans cette invention des empreintes digitales, et ça a un peu frappé d'obsolescence assez rapidement les mesures anthropométriques de Bertillon. Mais Bertillon a eu le mérite, par exemple, de systématiser justement la collection, justement par son idée de description physique, de systématiser, par exemple, la collection de photographies de la préfecture de police, qui permettait effectivement de retrouver plus facilement les suspects. On sent bien qu'il y a la volonté d'avoir une police efficace, avec des noms comme Bertillon, comme Locard. Il y a la volonté aussi, vous l'avez évoqué René Lévy, de faire aimer la police à la population. C'est l'œuvre du préfet Lépine qui parle de ces braves gens. Les policiers sont des braves gens. Et puis il y a la réalité. C'est-à-dire que quand il y a une contestation, il faut envoyer la troupe ou il faut faire agir la police. Anne Stenner, comment la population perçoit sa police? Est-ce qu'il y a une adhésion à ces forces de l'ordre? Est-ce que l'on se reconnaît dans sa police à la belle époque, c'est-à-dire au tournant du 19e, du 20e siècle? Moi, je l'ai étudié essentiellement à partir des épisodes émeutiers, dont beaucoup d'ailleurs sont des épisodes qui succèdent à une bavure policière. Un manifestant, un gréviste a été tué. Et bien sûr, ce qui s'exprime, c'est de la haine pure. Par exemple, je relate dans Le goût de l'émeute, la manifestation autour de l'enterrement d'un ébéniste du Faubourg Saint-Antoine, Henri Clair, un homme de 50 ans qui est frappé à coups de crosse sur le crâne et qui en meurt. Et lors de son enterrement, la foule le conduit du Faubourg Saint-Antoine jusqu'au cimetière de Pantin. Tout le long, le moindre policier isolé qui passe, même dans un omnibus, est sorti avec violence et frappé, presque lynché. Bon, et ce qui s'exprime, c'est beaucoup de haine. Et on le voit à travers tous les dessinateurs de la belle époque, dessinateurs très talentueux qui s'expriment dans la presse révolutionnaire et anarchiste, et ou dans l'assiette au beurre. Je pense à Jousseau qui a énormément dessiné des policiers qui sont en train de commettre justement des passages à tabac, des bavures, etc. Et je crois que ça reflète pas mal ce que la population parisienne ressentait à l'égard de la police. Anne Stenner, il y a deux étapes dans ce que vous venez de dire et elles sont très importantes. La première, c'est celle de la bavure qui peut déclencher l'émeute. Et puis, cette seconde étape, c'est la manifestation qui est interdite. Les manifestations ne sont pas autorisées en France jusqu'aux années 1935, c'est une réunion publique qui se transforme en manifestation, par exemple des obsèques. Oui, les obsèques, on ne peut pas les interdire. Donc de fait, ce sont souvent des manifestations quand ça concerne un militant politique ou en l'occurrence la victime d'un tabassage policier. Ça se transforme en manifestation qui se transforme souvent en émeute. Mais il y a eu une manifestation autorisée, c'est celle, la deuxième manifestation pour protester contre l'exécution de Ferrer en Espagne, voilà, à Barcelone. La première avait été très spontanée, très très spontanée le 13 octobre. Donc cet homme qui était un pédagogue libertaire, extrêmement connu, extrêmement aimé dans le monde entier, et qui avait aussi écrit énormément de textes qui étaient traduits, lus, est accusé d'avoir fomenté des émeutes à Barcelone. Bon, il vivait en exil en Angleterre, et au moment où il revient, il y a des émeutes contre l'envoi de réservistes au Maroc, et la population s'insurge, et on dit, voilà, Ferrer est derrière tout ça, donc il y a de toute façon beaucoup de condamnations à mort, et lui-même est jugé, condamné à mort. Il y a eu toute une mobilisation avant pour essayer d'empêcher sa condamnation. Et en fait, il est exécuté quelques heures après avoir été condamné. Et personne s'y attendait. Pour le coup, le maintien de l'ordre n'était pas au point du tout, parce qu'on ne pensait pas que ça allait arriver si vite. Et la population parisienne apprend avec stupeur à 14 heures, à peu près avec les premières éditions des journaux, que Ferrer a été exécuté le matin. Donc il y a l'Humanité qui fait un numéro spécial, il y a la Guerre sociale qui fait aussi un numéro spécial qui est crié dans tout Paris. Et de fait, 10 000 personnes se retrouvent spontanément en soirée autour de l'ambassade d'Espagne, boulevard des Batignolles, enfin, ils essayent de converger vers l'ambassade d'Espagne. Et on a réuni très vite la garde républicaine, mais il n'y a pas la troupe là, on n'a pas pu faire venir la troupe, on ne s'y attendait pas, et ça, c'est une émeute, on pourrait dire flamboyante, puisque effectivement, on met le feu à peu près à tout. C'est un moment particulier, cette émeute Ferrer. René Lévy, vous vouliez rajouter un... Oui, alors les émeutes, enfin les deux manifestations Ferrer en faveur de Ferrer sont très intéressantes parce qu'on passe un peu d'un extrême à l'autre en matière de manifestation. Donc une première manifestation qui est une émeute, oui, hein, très violente, et puis une deuxième manifestation, quelques jours plus tard, qui se tient contre l'avis de... qui est autorisée contre l'avis de Lépine, d'ailleurs, mais sous la pression de Briand, chef du gouvernement, et qui, elle, préfigure tout à fait les manifestations telles qu'on peut les connaître à notre époque. Enfin, disons, avant les Gilets jaunes, c'est-à-dire des manifestations encadrées, négociées, dont le parcours est négocié, dont comportant un certain service d'ordre, enfin, voilà, et elle se déroule très bien à la surprise générale, et d'ailleurs tous les partis, même les partis d'extrême gauche avaient appelé à manifester, y compris la guerre sociale. Oui, la tendance insurrectionnaliste du parti socialiste avait voilà. Mais ça ne doit pas cacher le fait que les techniques de maintien de l'ordre de l'époque ne sont pas celles qu'on a pu connaître par la suite. Et là, il faudrait distinguer, comme l'a dit Anne Stenner, entre Paris et la province. Et puis, il y a une chronologie particulière, dont on parlera peut-être. Bon, on va en parler dans cette chronologie. Juste, vu que vous parlez de la province, René Lévy, nous allons parler d'oignons. Nous allons parler de marché également. Mais pas n'importe quel marché et pas n'importe quels oignons. Ce sont les bottes d'oignons du marché de Brive-la-Gaillarde, évidemment, avec Georges Brassens, une histoire d'hécatombe. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignons, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies, perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore sous la forme de Maccabée. De la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ceux qui passent à sa portée. Il tombe, tombe, tombe, tombe, et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur compte en d'oignons, ces furies comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons, ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas, leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Sublime Georges Brassens, l'hécatombe dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Valentin Bobinet. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire, le peuple et sa police, je t'aime moi non plus, comment la police est-elle devenue républicaine à la fin du 19e siècle? Et oui, après l'empire de Napoléon III, il faut que la République se dote d'une police acceptée par le peuple. Nous avons évoqué avec vous, René Lévy et Anne Stenner, l'émeute Ferrer, donc une émeute en France pour un militant espagnol condamné. Nous étions en 1909 avec une manifestation qui est autorisée, qui se passe bien. Mais nous en parlons parce qu'elle est exceptionnelle. Oui. C'est la seule qui est notable vraiment. Alors il y en a quelques autres, mais elle est suivie juste après par l'hommage au communard qui d'habitude se terminait toujours en pugilat et là et se passe dans le calme. Voilà, mais il faut attendre 1935 pour voir les manifestations autorisées. Le rapport entre les manifestants et la police est souvent l'objet d'un malentendu. C'est ce qu'explique Gustave Hervé. Alors Gustave Hervé, socialiste antimilitariste au début du XXe siècle, parce qu'après il dévie vers le fascisme, mais ça c'est... Pas le fascisme. Il n'est pas antisémite, mais... Non, il n'a jamais été. Voilà, c'est... Mais il se disait le premier péténiste, le premier fasciste. Rendons-lui cet hommage. Voilà, il n'était pas antisémite, mais enfin bon, il se disait, je suis le premier fasciste. Et en 1909, dans le journal La Guerre Sociale, Gustave Hervé donnait son avis sur les rapports qu'il pouvait exister entre ce qu'il appelle les flics et nous, c'est-à-dire ceux qui manifestent. Il y avait entre les flics et nous qu'un simple malentendu. Ces messieurs s'imaginaient que c'était leur droit strict, à chaque manifestation, même paisible, de se jeter sur nous à coups de poing, à coups de casse-tête, et à coups de sabre. Nous émettions humblement la prétention de manifester notre opinion dans la rue, librement, à condition que ce fût pacifiquement. Ce malentendu durait depuis des siècles, depuis qu'il y a des policiers et des hommes libres. Depuis l'Empire, il n'avait fait que s'aggraver tous les ans à mesure que Marianne prenait de l'âge. Aux charges des gardes républicains et à leurs coups de sabre, nous avons riposté à coups de revolver. Aussitôt, on s'est expliqué et tout le monde nous a compris, à commencer par Briand la Jaunisse. Et tout s'est passé paisiblement. 100 000 Parisiens ont défilé à 200 mètres de l'ambassade d'Espagne, conspuant l'assassin, sans qu'il y ait eu pendant tout le défilé du cortège une seule bagarre. Maintenant, la preuve est faite que lorsque la police ne crée pas du désordre, il n'y en a pas. Que nos camarades révolutionnaires qui ont pu s'offusquer de notre subit accès de modérantisme ne s'alarment pas, parce que nous avons arraché à nos gouvernements et à nos policiers le droit de manifester dans la rue. Nous n'avons pas renoncé pour cela aux moyens révolutionnaires. Chaque chose en son temps. Les manifestations paisibles dans la rue sont une chose. Les insurrections en sont une autre. Les unes n'empêchent pas les autres. Au contraire. Militant socialiste antimilitariste Gustave Hervé dans le journal La Guerre Sociale le 17 octobre 1909. Une lecture par Olivier Martineau, Hans Steiner. Dans cet article, Gustave Hervé dit que lorsque la police ne crée pas de désordre, il n'y en a pas. C'est quelque chose de récurrent, le discours autour de la provocation policière. Les policiers provoqueraient. Alors que ce que dit Gustave Hervé, c'est que tout pourrait très bien se passer pour la manifestation. L'insurrection, c'est autre chose, mais la manifestation peut très bien se passer. Oui, il s'est constamment battu pour arracher le droit à la manifestation sur le modèle de ce qui existait d'ailleurs en Belgique et en Angleterre, qui étaient pourtant des monarchies constitutionnelles. Et le paradoxe, c'était que la France, une république, interdisait de fait les manifestations. Même si elles se déroulaient tout de même, et c'était pas toujours un carnage, mais il y avait pas d'autorisation, de négociation, de quoi que ce soit. Et le même jour, dans la guerre sociale, il y a la doctoresse Madeleine Pelletier, qui faisait partie de la même tendance au sein du Parti Socialiste Unifié, c'est-à-dire elle était avec Gustave Hervé du côté insurrectionnel, qui se réjouit aussi de la bonne tenue de la manifestation du 17 octobre et qui dit « Jusqu'ici, les manifestations auxquelles j'ai assisté n'étaient que des cohues. On arrivait à l'endroit désigné, on criait quelque chose, puis les agents ou les soldats chargeant ont fui pour revenir et fuir encore. Seuls quelques braves à trois poils essayaient de tenir, mais vite isolés, ou bien ils se faisaient arrêter, ou bien ils étaient contraints de reculer comme les autres. Dimanche, la foule a obéi, etc. Et il y avait le premier service d'ordre de l'histoire des manifestations sous la forme de ce qu'on a appelé les hommes de confiance, parmi lesquels il y avait d'ailleurs Madeleine Pelletier comme homme de confiance, et qui faisait des chaînes humaines, canalisait, etc. René Lévy, c'est vrai que la police comme force provocatrice, comme capable de bavure, est quelque chose qui transcende l'histoire de la police, on va dire depuis toujours, hein, bien sûr, mais sur cette période très particulière où il y a des débats. Nous sommes en République et la police ne semble pas aller, pour ceux qui sont militants, dans le sens de permettre la liberté. Oui, alors on peut dire que les idéaux républicains dont nous avons parlé au début ont rapidement été douchés par les réalités de la vie politique sous la Troisième République. Il ne faut pas oublier d'abord que peu de temps après l'avènement de la Troisième République, ce sont des partis monarchistes, hein, qui viennent au pouvoir, et que donc ce ne sont plus les républicains qui sont aux commandes. Tout au début, Gambetta, par exemple, a supprimé une institution de l'Empire qui était les commissaires cantonaux, hein, qui dans les campagnes, ce qui était conforme à l'esprit des républicains, mais on a renoncé à supprimer très rapidement la préfecture de police, qui était aussi dans le programme. Et la République s'est quand même trouvée en butte à des attaques conjuguées de la droite ou de l'extrême droite ou de la droite monarchiste catholique d'une part, et puis un peu plus tard de la gauche. Et de l'extrême gauche. Donc le pragmatisme s'est substitué, disons, à l'idéalisme des débuts. Alors en matière de maintien de l'ordre, ce dont parlait Gustave Hervé, là, c'est la situation parisienne, hein, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Hans Steiner, en dehors de Paris, c'est d'abord la gendarmerie, hein, qui fait partie de l'armée, qui intervient. Et c'est assez compliqué parce qu'on est obligé, là il n'existe pas de gendarmerie mobile à l'époque, c'est plus tardif, et donc à l'époque on prélève des gendarmes dans un certain nombre de brigades, donc que l'on désorganise du même coup, et on les rassemble pour maintenir l'ordre entre gens qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas les officiers qui les commandent, etc. Et c'est assez aléatoire. Et en deuxième ligne, la troupe. Hein, ce qui oblige aussi bien souvent à dégarnir, enfin à désorganiser une grande partie, plusieurs régions militaires parfois, quand il y a de très grands rassemblements, qui prêtent aussi de plus en plus à discussion, parce que, surtout lorsqu'on a une armée de conscription. On pourra peut-être y revenir. À Paris, Paris est la seule ville qui dispose véritablement d'une force de police suffisante pour affronter des grandes manifestations, avec en arrière-plan effectivement la garde républicaine et, le cas échéant, l'armée. Et ce dont on a entendu parler à l'instant, ça faisait référence à la technique pré-lépinienne, en quelque sorte, du maintien de l'ordre, en partie, où on a effectivement ce qu'on appelait la louvoyante, qui était qu'on envoyait des petits groupes de policiers affronter les manifestants dans un désordre complet, et ce qui donnait lieu à énormément de violence. Et Lépine a modifié cet état de choses. Et dans cette volonté toujours d'améliorer la police, c'est vrai que Paris semble un laboratoire, avec des tentatives qui se sont avérées de véritables succès, en tout cas des succès populaires et des succès dans la mémoire collective. Je vous propose de les retrouver tout de suite, ce sont les Brigades du Tigre. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux incognito. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Pour ne pas en prendre pour 20 ans. le générique de la série télévisée Les Brigades du Tigre. Les Brigades du Tigre, autrement dit les Brigades Mobiles, qui sont au début du XXe siècle une vraie tentative d'adapter la police à la réalité. Alors en l'occurrence, là, c'est la réalité pour se déplacer en utilisant l'automobile. Anne Stenner, ce genre de mouvement, nous avons évoqué tout à l'heure la police scientifique, les Brigades du Tigre rentrent dans la même volonté, c'est aussi la République qui veut adapter sa police à la réalité de la situation. Oui, et il y a aussi au progrès technique, parce que, par exemple, on a parlé pour l'instant que de politique, mais si on prend un épisode comme Les Bandits Tragiques ou La Bande à Bono, qui est à la fois politique et criminelle, eh bien, on se rend compte que la police, au niveau de l'usage de la technologie, est presque en retard sur la délinquance ou la... C'est pas tout à fait de la délinquance, hein, bien sûr, la bande à Bono, mais voilà, sur ce type de pratique, de braquage, où on utilise l'automobile, alors que la police est encore faiblement dotée en moyens de locomotion, en moyens de communication avec le téléphone, etc. Et il y a besoin de modernisation. Et la modernisation d'une institution va plus lentement que de la manière par laquelle les bandits s'accaparent toutes ces technologies. René Lévy, ces Brigades du Tigre, c'est un progrès. Alors, oui, en tout cas, c'est une innovation. Il faut bien voir que en dehors de Paris, il n'existe pas de police judiciaire digne de ce nom. C'est-à-dire, et d'ailleurs, on fait souvent appel au commissaire de la police judiciaire parisienne pour résoudre des affaires dans les régions. Il y a bien sûr la gendarmerie, mais elle est assez peu compétente, disons, dans ce domaine-là. La création des brigades mobiles, c'est effectivement une innovation très importante, parce que on crée des services de police. C'est l'ancêtre, ce sont les brigades mobiles de police judiciaire sont les ancêtres de nos SRPJ, services régionaux de police judiciaire, et donc on crée dans chaque ressort de cour d'appel, enfin progressivement, on étendra le nombre de brigades, on crée des services spécialisés dans la police judiciaire. Elle a commencé par la première, qui est donc la première brigade mobile, qui est localisée à Paris, puis à un moment donné sera localisée à Versailles, mais c'est aussi la source d'une guerre des polices sur ce terrain-là, entre les services de la Sûreté nationale et les services de la préfecture de police. Avec, c'est vrai, cette mise en place classique qui a duré tout le 19e siècle, où les quelques policiers qui étaient dans les villes faisaient les enquêtes, et au moment d'arrêter, on appelait les gendarmes. Les gendarmes arrêtaient et conduisaient en prison, et peu à peu se met en place une police plus efficace, notamment avec cette police judiciaire, pour une République qui s'appuie sur les principes de 1789. Là où la chose est compliquée, vous l'avez évoqué, Anne Stenner, c'est que entre les malfrats et l'action politique, il y a une véritable porosité. C'est le cas avec la bande à Bono, qui est à la fois militant, activiste, et puis à la fois qui fait des braquages. Un exemple de la bande à Bono, mais à travers le film de Philippe Fourastier. C'est un film de 1968, dans lequel Jacques Brel et Raymond Lascience, et Bruno Kremer et Jules Bonnet. Tu te crois malin? Pas vous. À quel atelier tu travailles? Quel est ton nom? Je suis désolé, mais je ne fais pas partie du bétail. Oh, hein? Parfaitement du bétail! Mais regardez-vous! Vous étiez les enfants de la commune, et qu'est-ce que vous êtes devenus maintenant, hein? Un troupeau! On vous ordonne, et vous obéissez! Faites quelque chose, moi je ne sais pas! Bétail pour bétail, vache pour vache, vous devriez apprendre à brouter l'herbe! Oh, écoutez-moi! Écoutez-moi! Regardez votre usine, regardez-la bien! Il serait peut-être temps de vous apercevoir que ce n'est pas votre usine, mais votre prison! Les hommes passent la moitié de leur vie à se forger des chaînes et l'autre moitié à se plaindre d'avoir à les porter. Mirabeau, être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, la Ligue Guignol, dirigé, légiféré, réglementé. Jacques Brel, autrement dit Raymond Lascience, dans le film La Bande à Bono de Philippe Fourastier, Raymond Lascience qui harangue la foule pour créer la manifestation ou l'émeute, tout simplement la grève, en s'appuyant sur les principes de 1789. C'est étonnant, hein, ce jeu de miroir où la police doit répondre aux principes de 1789, mais ce qu'elle combat également. Anne Stenner, il y a vraiment une volonté de retrouver quelque chose de pacifié dans notre France républicaine qui est jamais atteinte, j'ai presque envie de dire, presque de manière naturelle par l'opposition inhérente entre la police et les gens qui veulent contester. Oui, alors en ce qui concerne Raymond Lassion, c'est véritablement un politique. Enfin, Raymond Caillemin est un jeune homme qui a commencé à militer à 14 ans, 14-15 ans à Bruxelles, aux côtés de Victor Serge. Et lui faisait partie de ce qu'on appelle les anarchistes individualistes, c'est-à-dire il pensait que la révolution commençait à partir de soi-même, par la transformation de soi-même et des autres autour de soi. Pour ça, il fallait échapper au salariat, donc il fallait se procurer des moyens de vivre, et ils sont passés à un illégalisme théorisé qui les a conduits vers une véritable impasse et un bain de sang. Et oui. Voilà, l'impasse se termine mal. René Lévy, sur cette police qui se met en place sous la République, a-t-elle réussi avant la Première Guerre mondiale à se faire accepter? La police, ça y est républicaine. Ah, vous hésitez, hein? Oui, enfin, oui, parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, police républicaine. Elle est très différente de celle, sans doute, qu'imaginaient les républicains quand ils sont parvenus, un peu par accident, au pouvoir. Et la forme qu'elle a prise, elle tient, au fond, elle illustre, et le cas des anarchistes l'illustre aussi à sa manière, c'est que le paradoxe du régime républicain, c'est-à-dire que par sa nature libérale, et les garanties qu'il offre des libertés publiques et des libertés individuelles, il offre des facilités incomparables à ses adversaires pour comploter à le renverser. Et donc c'est toute la difficulté, le dilemme policier auquel est confrontée la Troisième République, c'est-à-dire qu'elle est soumise à des attaques convergentes et que la défense du régime, d'une certaine façon, prend le pas sur certains des idéaux qu'on avait pu avoir au début. On peut dire que cette réflexion peut s'étendre à l'ensemble du siècle et encore jusqu'à aujourd'hui. C'est comment la République fait dialoguer ses policiers, son peuple, et comment le peuple se reconnaît dans sa police. Donc des réflexions qui n'en finissent pas. La sociologue que vous êtes, Anne Stenner, trouve écho dans le début du XXe siècle au problème d'aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a une évolution du côté des révolutionnaires. Par exemple, si on prend le courant incarné par Gustave Hervé, Miguel Almereda, vers les années 1912, ils prennent conscience, ils évoluent vers le réformisme, qu'il faut avoir une meilleure police et que donc les policiers devraient pouvoir se syndiquer, avoir des amicales de police sur lesquelles une véritable éthique, à l'intérieur desquelles une véritable éthique du métier pourrait naître. Et ils font des textes dans ce sens qui sont très mal pris, évidemment, par ceux qui sont restés révolutionnaires. Mais il y a... ça pointe à ce moment-là. Ça pointe. Vers 1912. Voilà, faut attendre 1912. Ben, oups, la guerre arrive. Merci beaucoup, Anne Stenner. Le goût de l'émeute, le temps des révoltes, ce sont vos ouvrages. Merci, René Lévy. Histoire Merci. Des polices en France, de l'ancien régime à nos jours, avec Jean-Marc Bellière. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, des films, des combats politiques et surtout l'histoire d'un couple militant. Plogoff, des pierres contre les fusils de Nicole et Félix Le Garec ressort au cinéma en version restaurée. Épopée fétiche des combats antinucléaires, c'est aussi un film qui raconte l'histoire d'un cinéma de combat de la fin des années 60 aux années 70, un cinéma de la débrouille sans intermédiaire, fait de rencontres et de redécouvertes de leur propre société par ceux qui ont pris une caméra pour fixer les mouvements de contestation et la réalité et ses regards critiques sur le quotidien et l'invention en campagne de l'écologie politique. Alors 400 mètres à gauche au moins et 400 mètres à droite, c'est toute cette côte que l'EDF convoite pour mettre sa fameuse centrale. Et ça, nous ne le voulons pas, et c'est pour cela que nous luttons.